Chapitre 28. Ormaïn s'était couché solennellement sur son lit, en attendant la mort, les bras croisés sur son torse, l'air au repos et serein, mais le cœur coupable de son acte égoïste. Un domestique vint dans la chambre pour nettoyer les maîtres de l'ordre. Il s'avança dans la pénombre pour ouvrir les rideaux. Quand les raies crevèrent l'obscurité des lieux, le domestique se retourna et bondit en apercevant Ormaïn gisant sur le lit, si bien que, dans son sursaut, il renversa un vase posé sur une petite table, et celui-ci se fracassa en mille morceaux sur le carrelage froid. Zélée ne s'était pas rendormie depuis qu'Ormaïn l'avait forcée à le tuer de son baiser de fille. La princesse ne pouvait se résoudre à quitter son lit. Elle était statufiée dans ses draps pourpres. Si elle sortait, elle apprendrait la nouvelle et elle chavirerait aussitôt. De plus, puisqu'elle était censée ignorer la mort de son fiancé, son visage devait se masquer d'un air serein, coutumier, et elle devait tomber des nues quand la terrible nouvelle lui serait communiquée. Elle en serait incapable. Chaque claquement de porte la ferait se retourner. Chaque début de conversation implantaire la ferait hurler. Elle serait fébrile dès qu'elle sortirait de ses appartements. Dès qu'elle s'afficherait en public, on dénoterait son manque de sommeil d'après ses cernes, ses traits tirés par le chagrin. Et elle savait qu'elle ne pourrait supporter le regard de qui que ce fût sans s'effondrer en larmes. Le vœu d'Ormaïn était que cette affaire fût maintenue secrète, que leur lien de parenté ne fût jamais révélé. Elle comprit enfin que dans l'intérêt même de la réunification des planètes, rien ne devait être découvert. Elle était adoptée. Elle n'était donc pas l'héritière légitime. Les opposants aux réformes qu'elle entendait apporter ne manqueraient pas de se saisir de cette aubaine pour la décrédibiliser et la répudier. Elle ne savait trop si Zeninouma l'avait laissé libérer Nikéas parce qu'elle tenait coûte que coûte à cacher sa stérilité, ou si finalement elle était un tant soit peu en accord avec sa fille. Quoi qu'il en fût, si Zeninouma avait eu l'idée de lui nuire, elle aurait utilisé cet atout depuis bien longtemps. Il ne restait qu'une personne susceptible de divulguer l'information, Xenia. Xenia se détendait dans sa chambre d'hôtel, assise dans un fauteuil à lire un livre. Elle était entourée d'un halo protecteur. Pour mieux marquer les esprits lors de sa visite au palais, elle avait pris sur elle de ne pas activer sa ceinture génératrice et avait été fort soulagée de constater que l'atmosphère de la salle du trône avait été modifiée en l'honneur de sa venue. Sa chambre d'hôtel était celle prévue pour un voyageur seul. Elle le regrettait. Elle qui aimait le luxe, elle aurait préféré avoir une suite, une entrée par un vestibule et une grande chambre avec un immense lit, une salle de bain avec jacuzzi. Mais elle n'était pas sur une planète extérieure aux comètes, où l'on obtenait le standing équivalent à sa bourse. Ici, elle ne pouvait obtenir qu'une chambre qui correspondait à ses besoins réels, autrement dit, à une chambre pour une personne, et aucune salle de bain n'était équipée de jacuzzi. Qu'importait ? Elle n'était ici que pour quelques jours, tout au plus. Elle parcourut des yeux la pièce d'un air dégoûté. Depuis les galeries des résistants sur Nikéas, elle n'avait connu qu'un train de vie humble, en vacances sur une planète riche. Elle s'était attendue à en profiter. Xenia avait toujours eu des goûts de luxe, et vivre hors du comète, avec les richesses que la reine lui avait remises, lui avait permis de combler ses rêves. Du moins, dans un premier temps. À la sortie du palais, elle s'était rendue dans la ville de Zélaïdo pour quelques emplettes, comme une simple touriste. Et maintenant, affublée d'une tenue neuve et valorisante, elle attendait patiemment qu'on lui rendît visite. Elle essayait de s'imaginer quel chaos pouvait régner au palais. Une notification informa Xenia qu'un visiteur avait demandé le numéro de sa chambre à la réception de l'hôtel et était en route. Lorsque la personne fut dans le couloir, son visage s'afficha dans le miroir fixé près de la porte et elle ricana doucement. Xenia désactiva le verrou à distance et la porte s'ouvrit violemment dans la seconde. Menteuse, Zélé n'est pas ma fille, s'écria Ormain. Comment en es-tu venue à une telle conclusion? As-tu tenté le suicide? Ou avez-vous effectué des tests moins dangereux pour ta santé? Le taquina Xenia. Devant l'air enragé qui défigurait Ormain, Xenia laissa éclater son hilarité, ce qui ne fit qu'énerver l'ex-futur roi davantage. Il s'avança vers elle d'un pas décidé, son regard affichait clairement qu'il était prêt à la frapper pour la faire taire. Elle fit alors de son mieux pour se contenir. Suffisamment pour être capable de parler, tout du moins. Xenia n'aurait jamais cru qu'elle lirait une telle fureur dans les yeux d'Ormain, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit menacée par lui et tenta de reprendre le contrôle de la situation. Si tu veux affirmer par là que ce que j'ai dit hier, à savoir que cette princesse zélée est Makerada, est faux, tu te trompes. C'est bien Makerada, l'enfant que j'ai mis au monde dans la rivière. Ormain comprit tout de suite qu'elle prenait son temps pour mener la conversation comme elle l'entendait. Quand elle avait pris la parole, il s'était arrêté pour lui laisser une chance de s'expliquer. Mais voyant bien qu'elle ne faisait aucun effort, il s'avança davantage vers elle. Xenia, elle, s'était levée du fauteuil et postée derrière, méfiante. Ne pouvant plus jouer, elle opta pour la vérité sans détour. En effet, tu n'es pas le père biologique de Makerada. Mais c'est bien l'enfant que tu as élevé, il fut un temps, et aimé comme la tienne, dit Xenia. Si je l'avais découvert avant, rien de ce que tu as dit dans la salle du trône n'aurait tenu. Tu te serais ridiculisé, dit Ormain. J'y suis allé au bluff, sans trop de risques en vérité. J'ai bien vu vos différentes prises de parole. Vous n'aviez pas l'air de vivre une idylle. Ou alors vous le cachiez très bien. Sauf que tu n'as jamais été un bon acteur, Ormain. Alors que toi, oui, Xenia, n'est-ce pas? Lui lança Ormain. Je l'avoue sans rougir, j'ai pratiqué l'art dramatique durant des années, avant de me tourner vers le chant lyrique, du temps de ma première vie, répondit Xenia. Et à combien en es-tu, de vie? Demanda Ormain. Bonne question, je crois que j'entame la quatrième. Toi, clairement, tu es toujours figé dans la même. Le taquina Xenia. Des huitaines d'années que nous ne nous sommes vus, et tu crois me connaître, Xenia, fit remarquer Ormain. Bien sûr, Ormain, tu es prévisible, linéaire. Ce n'est pas un mal, tel est ton caractère, c'est tout. Et tu me l'as avoué toi-même dans la salle du trône. Tu as consacré ta vie à me chercher. Tu en es au même point que lorsque je t'ai quitté. Qui est son père, alors? Demanda Ormain. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas trompé si c'est tout ce qui te tracasse, le rassura Xenia. Non, ce n'est pas ça, tu sais bien que je ne suis pas... balbutia Ormain. Son père est Irgosh, un... Irgosh, le commandant des mercenaires? La coupa Ormain. Oh, tu le connais? Xenia fut quelque peu décontenancée de découvrir qu'Ormain était déjà familiarisé avec ce nom. Bien sûr, Irgosh était le commandant de leur secteur, cela, elle l'avait toujours su. Mais les résistants ignoraient les noms des mercenaires, n'étant jamais en contact avec eux, au contraire des villageois. Oui, nous avons eu affaire à lui lors de notre visite sur Nikias, expliqua Ormain. Je vois. Il est d'une compagnie exquise, n'est-ce pas? Et comment va-t-il? Fait-il l'objet de quelque jugement auprès de l'OMPC? Puisque c'est un Ifien, le renvoyer sur sa planète natale doit être cocasse. Rick Xenia. Il est mort. Lui et son unité s'étaient postés en embuscade autour de notre vaisseau. Ils nous ont emprisonnés dans leur forteresse, mais grâce à Zélé, nous sommes évadés et il a été tué. Tué dans notre fuite. Ormaïn eut l'impression d'être trop descriptif et abrégea son récit. Les conditions dans lesquelles était mort Irgosh n'avaient pas à être abordées. En y réfléchissant au fur et à mesure qu'il parlait, il réalisa qu'il n'était pas de bon aloi. Il réalisa qu'il n'était pas de bonne aloi, que Xenia fut mise au courant d'un certain détail. Mais Xenia l'avait mentionné un peu plus tôt. Il était mauvais acteur. Il cachait difficilement ses émotions. Et elle avait bien vu passer une ombre dans ses yeux au moment où il comprenait qu'il en divulguait trop. Tué dans votre fuite? À quel moment? De quelle manière? Demanda Xenia. Pourquoi cela t'intéresse-t-il? Demanda Ormaïn. Ormaïn essaya de retourner la situation. Il eut la sensation que les rôles s'étaient inversés subitement. Pas pour longtemps. Tu n'y arriveras pas, Ormaïn. Diriger une conversation, cela s'apprend. Clairement, tu n'as pas passé ton temps avec la bonne représentante de la dynastie Zé. La reine t'aurait renseigné bien plus. Qu'est-il arrivé à Irgosh? Insista Xenia. Je te l'ai dit, il a été tué dans notre fuite, balbutia Ormaïn. Ces hésitations ne te sont guère favorables, Ormaïn. Ce serait... Non, elle m'aura vengé. Elle n'aura pas été si inutile que cela, s'exclama Xenia. L'absence totale d'intérêt, d'amour maternel de Xenia pour sa fille bouleversait Ormaïn, et la révélation sur l'identité du père n'était pas un choc moins grand. Donc, quand je t'ai trouvée inconsciente dans la forêt, tu étais déjà... commença Ormaïn. Bien sûr. « Ce n'est que lorsque j'ai compris que j'étais enceinte que je suis venue vers toi, » expliqua Xenia. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Xenia ?» demanda Ormaïn. « J'ai failli être remise à la surface du simple fait que j'étais une femelle, et tu aurais voulu que j'annonce que je portais l'enfant d'un mercenaire ? Quelle idée lumineuse !» fit remarquer Xenia. « Ce n'est pas pareil. » Nous aurions été compréhensifs, tu as été... Ormaïn ne termina pas sa phrase. Son ton n'avait cessé de diminuer de volume au fur et à mesure de leur conversation. En entrant, il hurlait, il aurait pu se jeter au cou de Xenia. Ensuite, il avait parlé fermement pour obtenir les informations qu'il attendait. Puis, encore il avait bégayé en comprenant que Xenia devinerait que Irgosh était mort des mains de Zélé. Finalement, là... Maintenant qu'il s'imaginait la relation que Xenia avait eue avec ce mercenaire, sa voix s'était presque éteinte. Il parlait en regardant le sol. Désolé de n'avoir jamais su, jamais soupçonné. Xenia sentit tout cela, dans son regard perdu sur la pointe de ses sabots. Il y a 2 secondes, tu étais prêt à te jeter sur moi, et maintenant que tu t'imagines mon viol, tu as pitié de moi. Que crois-tu? Que seul un viol pourrait expliquer ma grossesse? Tu ne sais rien de mon histoire avec Irgosh. Elle aurait duré peut-être des années sans ce poison de Makerada, cracha Xenia. Son regard brûlait de haine, des larmes s'amassaient sous ses paupières, et elle lui cracha même au visage. Ormaïn n'esquiva pas, il s'essuya simplement et continua à la fixer. Il ne comprenait rien à ce qu'elle venait de dire. La voix de Xenia était déformée par sa gorge serrée. La profonde détresse que reflétait son regard torturait Ormaïn. Malgré son évidente envie de leur nuire depuis son arrivée, il ne voulait pas la laisser dans un tel état, et désormais il découvrait en partie l'origine de l'aversion qu'elle pouvait avoir pour sa fille, et s'expliquait certains agissements passés de Xenia. Il tenta un geste en sa direction, et elle se dégagea bien avant qu'il ne fût assez proche pour la toucher. Elle reculait face à lui comme un animal traqué pris au piège. Ormaïn. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Zélé se tenait dans l'encadrement de la porte, restée ouverte. Ormaïn, de dos, ne l'avait pas vu arriver et s'était retourné en sursaut au son de la voix de l'héritière. Il crut même voir double, toute la ressemblance entre la mère et la fille était frappante. Xenia, elle, l'avait vu, mais n'avait pas réagi. Zélé était apparu vite et avait parlé avant même de s'être arrêté. Les traits tirés de Zélé épouvantaient Ormaïn. La libération de Nikéas l'avait fait vieillir de 10 ans. Et là, en quelques heures, l'empreinte du temps et ses soucis avaient un peu plus marqué les contours de ses yeux. Elle avait comme rattrapé les années qui la séparaient de Xenia. Zélé, tout va bien? Je viens de parler avec Xenia, je ne suis pas... commença Ormaïn. Ormaïn, j'assais. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. Lui demanda Zélé. Zélé ne le regardait pas. Son regard restait fixé sur Xenia. L'héritière avait parlé avec fermeté, et bien qu'elle se tenait droite et que sa stature et son expression imposaient le silence, elle ne rappelait en rien Zeninouma. Le Nikéen s'effaça et ferma la porte derrière lui. Il tenta néanmoins une connexion implantaire pour décrire à Zélé la conversation qu'il venait d'avoir, mais il fut rejeté. La pièce, si animée de vociférations et de gémissements quelques minutes auparavant, était plongée dans le silence. Un silence sans tension, tout du moins du côté de Zélé. Elle inspecta les quelques mètres carrés de la chambre et s'assit calmement dans le fauteuil qu'occupait Xenia quand Ormaïn était entré. La Nikéenne se retrouvait sans siège, debout, derrière Zélé, mal à l'aise. Zélé lui commanda de s'installer sur le bord du lit face à elle. Xenia s'exécuta. Tu es ma mère. Très bien. Ormaïn n'est pas mon père. D'accord. Quant à l'identité de mon père biologique, cela m'est égal. Je ne suis pas venue pour parler histoire de famille. Il n'y a rien de plus ennuyeux et chronophage. Et du temps, nous en manquons. Dit Zélé. Oh. « Ta Majesté pense que... » Xenia voulut reprendre le dessus, sans trop y croire, elle-même, et sa tentative fut tuée dans l'œuf. « Je ne t'ai pas demandé de parler. Alors tu ne parleras que quand je te le permettrai. Tu n'as pas compris, Xenia, je crois. Peu importe ce que tu peux dire ou faire, ça ne changera rien, à aucun niveau, jamais. Ce que tu pourrais dire, avoir vécu ou fait, et ta manière de le présenter, je m'en moque. Tu as envie de te vendre comme une calculatrice froide et malfaisante? Ça te regarde. Mais c'est une très mauvaise stratégie. Je devine que tes griefs sont uniquement contre Ormaïn et moi. Pourquoi? Je l'ignore. Et nous en discuterons. Par contre, ce que je sais, c'est que tu es une toute autre personne avec les membres de ton association. Ils m'ont chanté tes louanges. À ces mots, la bouche de Xenia se pinça. Si son passé était connu, elle perdait tout avantage et ne maîtriserait rien de ce qui allait suivre. Elle baissa la tête résolue, et Zélé poursuivit. Je sais que tu es prête à remettre en cause les traditions et affronter les interdits, comme tu l'as fait en renonçant au jeu de Dieu et en traversant l'océan de larmes. C'est un premier point très important pour la suite, mais c'était il y a longtemps. Et tu aurais pu régresser. Tout le monde ne va pas dans le bon sens. C'est d'ailleurs ce que notre rencontre hier laissait imaginer. Heureusement pour toi, tes camarades m'ont dressé un portrait flatteur. Échappé de Nikéas, tu as lutté avec tes moyens pour libérer des esclaves ou offrir une vie digne aux évadés. C'est à cette noble cause que tu as consacré ta vie durant ces années de liberté. Tout cela me rassure sur qui tu es et a toujours été. Et je m'en voudrais de laisser passer la chance d'une collaboration, tout cela parce que notre première rencontre, si j'ose dire, a débuté sur un malentendu. Les poings fermés de Xenia se serraient sur ses genoux. Ses longues griffes devenaient douloureuses contre ses paumes. Sa tête inclinée cachait son expression. Et Zélé ne put se méprendre en voyant une larme atterrir sur le poing de Xenia. « Peut-être as-tu quelque chose à reprocher à Ormaïn ?» demanda Zélé. « Non, renifla Xenia. Tant mieux. Et je ne vois pas comment tu pourrais me reprocher quelque chose, personnellement, puisque nous ne nous connaissons pas. Peut-être, par contre, est-ce ce que je représente? Tu en veux à Upléas de ne pas être intervenu plus tôt? Demanda Zélée. Ce n'est pas cela, pleurnicha Xenia. Elle parlait à peine comme une petite fille traumatisée, et Zélée devait trouver d'elle-même une piste. Xenia n'était pas en état de parler pour elle-même, mais à force de suggestions, l'héritière ne doutait pas que sa parole se libérerait. Nous en veux-tu d'avoir libéré Nikéas aussi rapidement alors que tu t'es consacré à cette lutte plus longtemps? Que nous, et avant nous, sans y parvenir? Demanda Zélée. Je ne sais pas. J'étais promise à la gloire. Xenia éclata en sanglots et n'articula plus rien. Son visage était enfoui dans ses mains. Le maquillage, reliant ses yeux à ses narines, barbouillait ses joues et ses paumes. Zélée changea de place pour se retrouver à côté d'elle et l'étreignit. Xenia accepta ses bras amis, se reposa sur l'épaule de sa fille et y calma sa colère et sa honte. Zélée suggéra une balade. Discuter hors de cet espace confiné l'aiderait à libérer son cœur. Elles montèrent à bord du vaisseau de Zélée et filèrent vers la capitale. Un bain de foule permettrait de mieux contrôler ses émotions. Personne ne voudrait attirer l'attention sur soi avec un visage tuméfié ou une voix géniarde. Xenia la première. Zélée lui offrait une fente auditive, attentive, et n'était pas là, pour l'humilier, pour condamner ses agissements. Pour être efficace, il fallait que Xenia admît son erreur d'elle-même, sans jugement. Et pour détendre l'atmosphère et instaurer un climat de confiance, il valait mieux ouvrir la conversation sur des sujets impersonnels. Elles se baladèrent dans les rues couvertes de toits vitrés multicolores. Des spots vidéo ou affiches diffusaient des images de Nikéas. Quelques images terribles de ruines d'après-guerre, contrebalancées par bien plus d'images des beautés de la planète. Ses paysages variés, ses climats divers, ses espèces et peuples. Toutes ces diffusions devaient susciter l'envie des Upléens d'aller y vivre avant que l'évacuation définitive d'Upléas ne fût enclenchée. Les touristes se raréfiaient. La foule était composée de visages Upléens, verts, mais aussi de quelques bleus. Les Upléens les plus curieux portaient des ceintures protectrices et expérimentaient le bleuissement de leur peau. Ce n'était que le début, ce phénomène se propagerait bien vite, et tous bientôt seraient excédés par ce monde aride. Du moment que la communication autour de Nikéas était attrayante et bien gérée, les Upléens changeraient d'eux-mêmes. Tout du moins le pensaient-ils. Xenia commentait certains lieux pour évoquer l'architecture de villes qu'elle avait pu visiter hors du comète. Zélée prenait du plaisir à l'écouter. Elle n'avait jamais quitté le comète de sa vie, et si peu Upléas aussi. Et les visites implantaires de mondes extérieurs n'existaient pas. Elle n'était informée que par quelques images et vidéos. Xenia était son opposée. C'était sa première visite d'une planète membre, et elle pouvait se promener à visage découvert sans risquer d'attirer la convoitise d'un quelconque marchand qui aurait identifié son espèce. Être nikéen hors du comète, c'était se dissimuler, transformer son apparence sous sa cape et se faire discret. Comment cela a-t-il commencé, je veux dire, les sauvetages d'esclaves, n'était-ce pas trop dur, seul, dans un monde inconnu? Demanda Zélée. Je n'étais pas seule. J'étais accompagnée de Viviane. Zenuma l'avait chargée de me surveiller, pour que jamais je ne revienne, et dise ce que tu sais désormais. Aujourd'hui, je réalise que ma venue sur Upléas aurait été bien plus problématique. Au début, j'avais cru qu'elle ne voulait pas que l'on sache qu'elle n'était pas la vraie mère. Alors que le véritable tabou aurait été ma planète d'origine. Tout cela, je l'ignorais à l'époque. En quittant Nikéas, Viviane savait déjà que nous irions vivre sur Phidolius C. Il avait mené son enquête pour trouver un monde avec des régions politiquement stables et paisibles, expliqua Xenia. N'as-tu jamais eu envie de te débarrasser de Viviane, de le semer, d'être vraiment libre? Lui demanda Zélé. Ce fut ma première idée, naïve que j'étais, quand il me conduisait loin de Nikéas. Je pensais le séduire pour le berner et lui fausser compagnie. Mais plus j'attendais le bon moment, moins j'en voyais l'occasion. Tout était si différent de tout ce que j'avais connu. J'avais besoin d'un guide, d'un interprète. Et au fil des conversations, puisqu'il s'est révélé tout aussi épris de justice que moi, il est devenu un allié de choix, expliqua Xenia. Où est-il aujourd'hui? S'enquit Zélé. Mort. C'était quelqu'un de bien. Quand nous nous sommes installés sur Phidolius C, il m'a fallu 2 ou 3 ans pour m'habituer à cette nouvelle vie, pour comprendre l'univers dans lequel je vivais, accepter que l'univers était composé d'autres planètes habitées. Je posais des questions à Viviane et quand il ne connaissait pas les réponses, nous les cherchions ensemble. Sur Phidolius C, il y a des carnivores. Et j'avais peur des habitants, je craignais qu'ils se jettent sur moi pour me dévorer. Et Viviane me rassurait en me disant qu'ils ne nous considéraient pas comme de la nourriture, parce que nous parlions. Je n'ai jamais compris leur logique, mais j'ai appris que c'était très courant, cette manière de penser. Oui, j'ai connu une habitante d'une de ces cultures, disait-elle. Xenia poursuivit son récit. Viviane découvrit avec elle le sort des Niphiens, le rôle de Nikéas dans l'approvisionnement des marchés aux esclaves, et ceux de la viande. Quand elle maîtrisa la langue universelle, et en savait assez sur les mondes alentours, et leur mode de fonctionnement, Xenia soumit son idée à Viviane de libérer les esclaves. Elle avançait des idées grandioses d'incendier les marchés aux bestiaux, de mettre hors d'état de nuire les esclavagistes, et s'imaginait libérer tous les esclaves, nifiens ou non, parlants ou non, par quelques actions. Viviane modéra vite son enthousiasme et lui rappela qu'il n'était que 2 face à un système bien organisé et huilé, et que plus de quelques actions seraient nécessaires pour ébranler cette oppression. Soit, Xenia et lui commencèrent à arpenter les marchés aux bestiaux pour sauver quelques miséreux qui ne valaient pas cher, car trop usés, trop maigres ou blessés. Et puis un jour, un évadé vint les trouver. Il les avait vus négocier sur un marché, alors que lui-même était vendu et était parvenu à s'enfuir le soir même et avait retrouvé leurs traces. Dès lors, ils essayèrent de mettre en place un réseau permettant aux évadés de remonter jusqu'à eux et ensuite de les rapatrier vers leur sanctuaire sur Phidolius C. À part vous, qui d'autre s'oppose à ces pratiques? Demanda Zélé. Bien des associations. Mais bien des avis divergent, des broutilles bien souvent, expliqua Xenia. Certaines ne veulent libérer qu'une seule espèce, d'autres que les parlants, ou alors il faut s'y prendre de telle ou telle manière. Mais ce sont les moyens surtout qui manquent cruellement. Phidolius C est suffisamment sûr pour qu'aucun opposant n'ait jamais essayé de venir nous y trouver. Ce n'est pas le cas de tous les activistes, certains restent sur leur monde, où aucun lieu n'est réellement à l'abri d'une contre-attaque. La libération de Nikéas a fait grand bruit. Elle a fait peur à bien des profiteurs et mis du baume au cœur des activistes, confia Xenia. Viviane est mort tuée? Demanda Zélé. Oh non, il est tombé malade, contaminé par un rescapé. Ils sont tous les deux morts d'ailleurs. Moi, je me suis sentie fiévreuse, rien de plus. Viviane était déjà âgée et nous manquions de moyens pour les frais de santé. Au sein du comète, il aurait été tout de suite soigné et aurait guéri. C'est un citoyen, il pouvait revenir, intervint Zélé. Ce n'est pas pour rien que Zeninouma l'a choisi. Tu ne lui imposais rien. Il n'a jamais voulu qu'on le ramène à une frontière. Ça aurait été une perte de temps et d'argent, inutile, d'après ses propres mots. C'était un grand ami. Et puis quand il est tombé malade, nous avions monté l'association. Nous avions sauvé près d'une octantaine d'esclaves. Le réseau se mettait en place. Les esclaves sauvés s'impliquaient tout de suite. Ils savaient que son aide n'était plus indispensable. C'est drôle. Ils savaient que Nikéas tomberait tôt ou tard. Il m'avait confié un message à remettre à la reine, quand je la reverrai. Dit Xenia. Lequel ? S'enquit Zélé. Ce message est adressé à la reine Zeninouma. Dit Xenia. Très bien, je n'insiste pas. Sois assuré que tu la verras. Lui indiqua Zélé. Tout ce que je peux te dire, c'est... Je ne sais pas de quel stratagème use la dynastie Zé, cette monarchie, mais... Malgré la découverte de la situation, l'implication claire de Zeninouma, Viviane restait fidèle à sa reine. Un tel aveuglement, une telle obstination, c'est de l'embrigadement digne d'une secte ou d'une religion. Peu importe comment on appelle ça. Il s'interdisait la moindre pensée de remise en question, alors que l'évidence lui crevait les yeux. Les propos de Xenia confirmaient les craintes de Zélé, que malgré les preuves, la foi absolue des Uppléens en leur reine serait à peine éraflée. Seul le temps et la succession de générations permettraient qu'un peu d'objectivité s'immisce dans les consciences. D'ici là, Zélé serait morte depuis longtemps et la dynastie Zé éteinte avec elle. Leur discussion se prolongea sur les actions menées par Xenia et son association. Puis Zélé lui présenta ses plans d'avenir, sa vision de la réunification des deux mondes et la nécessité de rassembler une équipe de représentants soudés. Zélé souhaitait un représentant pour chaque culture et idéalement que la personne eût des connaissances sur l'univers et non pas un Nikéen qui découvrait tout juste que d'autres planètes que la sienne étaient habitées. Le représentant du continent Ayo était tout trouvé. Ormain était le candidat parfait. Pour le continent Uto, la tâche serait plus ardue, à moins que Xenia eût quelqu'un à proposer. Enfin, pour le continent Enrefe, Zélé offrait le poste à Xenia. Ce dernier continent était exempt de mercenaires. C'était une chance inespérée de retrouver une des pèlerines. Qui plus était avait voyagé hors de Nikéas. Zélé lui confia qu'elle avait pensé mener une expédition pour tenter de les retrouver, elle et Amirefoa. Tu n'aurais pu que me retrouver. Amoa est morte, confia Xenia. Morte? Mais, dans le carnet, tu n'as rien indiqué à ce sujet, tu l'as perdu de vue. Comment peux-tu savoir? Demanda Zélé. Ma première idée, quand je vivais avec Viviane, a été de chercher Amoa. Après tout, tu connais le nom de l'association, fit remarquer Xenia. Oui. Abattage, marchandisation, oppression, abolition. Oh. Comprit Zélé. Lorsque j'ai été moi-même capturée par des mercenaires, j'ai été conduite dans leur forteresse et j'y ai appris le sort de mon amie. Elle avait été expédiée avec d'autres pour être vendue. Une fois installée avec Viviane, c'est devenu mon but. La retrouver. J'ai suivi plusieurs pistes, souvent fausses. J'ai parfois mis l'association en danger, en prenant des risques que nous ne prenions pas pour les autres sauvetages. Finalement, j'ai retrouvé sa trace, trop tard. Elle était décédée l'année précédente. Malgré cette défaite contre le temps, j'ai continué à investiguer pour savoir ce qui était advenu de son enveloppe charnelle. Et au but d'une longue bataille, d'un tout autre genre, ses restes ont été emportés sur Phidolius C. Raconta Xenia. Je suis désolée, je l'aimais beaucoup. Je ne l'ai pas connue, mais de vous trois, c'est elle que j'appréciais le plus au travers de votre récit de voyage. Comme une personnalité qu'on suit et qui nous inspire, disait-elle. Tout le monde l'aimait. C'était impossible de ne pas être touché par sa bonté. Elle était toujours bienveillante. J'imaginais la retrouver, la sauver de son esclavage et qu'ensemble nous libérerions Nikéas et qu'elle retrouverait son fils. Mais oui, Karoa pourrait être le représentant pour Luto. Il y est lié par son père. D'accord, il n'a pas d'expérience de l'extérieur. Mais je suis sûre qu'il est devenu quelqu'un de très bien. S'enthousiasma Xenia. Karoa a été tué par un commandant mercenaire. Répondit tristement Zélé. Xenia ne s'attendait pas à cette nouvelle. L'idée de revenir sur Nikéas dans l'unique but de récupérer Karoa était un dilemme qu'elle avait souvent eu en tête durant les années de son exil. Et puis une fois les missions de sauvetage enclenchées et leur rythme s'accélérant, les années s'étaient écoulées, sans vraiment qu'elle ne s'en rendît compte. Et elle s'était rassurée intérieurement en se convainquant qu'il allait bien, qu'il était en lieu sûr dans les galeries et que rien ne pourrait jamais lui arriver. De sa courte expérience des galeries de la Résistance, Xenia avait appris que jamais l'un des Nikéens qui vivait Terré n'avait disparu, n'avait été pris. Alors pourquoi en aurait-il été autrement pour Karoa? Cette terrible nouvelle l'amenait à être soulagée qu'Amoa ne fût plus de ce monde pour vivre cela, pour connaître la libération de sa planète et en même temps porter le deuil de son enfant. La Nikéenne, Agarde, avait dirigé ses pas vers un square en coin d'une rue. Un petit jardin, décoré de plantes grasses tentaculaires, aux fleurs jaunes sèches. La première moitié de la journée n'était pas encore écoulée que déjà Xenia était lasse. Cette journée allait être interminable. Zélé permit à Xenia de s'égarer quelques instants dans la contemplation de la flore et des myriapodes, butinant les fleurs avant de reformuler son offre. Peu importe qui nous trouverons pour le continent Uto, ce représentant nous suivra, tout comme les habitants de l'Aïo. Ils sont heureux d'être libres, et ne demandent qu'à aller de l'avant. C'est une toute autre affaire pour ta terre d'origine, dit Zélé. Ils n'ont pas connu l'oppression, leur vie actuelle leur convient. Même si vos traditions sont basées sur des croyances prouvées absurdes. Nous sommes étrangers, et ils ne nous accordent aucun crédit. Le dialogue est hermétique et des tensions se créent. Nos progrès sont nuls, malgré nos différentes tentatives. J'ai rencontré la Rissée, elle m'a mise à la porte. Je pensais qu'en lui montrant votre carnet, elle daignerait m'écouter, qu'elle serait touchée. Cela s'est mal passé, confia Zélé. Tu as parlé à Lassée ? S'étonna Xenia. Oui, c'est absurde que je n'y ai pas immédiatement pensé. C'est Ormain qui l'a suggéré. C'était d'une telle évidence. Et finalement, cela n'a servi à rien, s'attrista Zélé. As-tu eu des nouvelles de Nia, mon Bolbolko ? Demanda Xenia. Je ne sais pas si je l'ai vu, dit Zélé. Je suis allée dans la plaine, où il vit, mais au milieu du troupeau, je ne pouvais pas l'identifier, ni lui ni les autres. Il est toujours en vie, en tout cas, se rassura Xenia. Oui, la Rissée ne m'aurait pas menti. Elle est dure, mais... commença Xélé. Mais ce n'est pas une menteuse. J'accepte le poste, ne serait-ce que pour la revoir et ébranler son petit monde étriqué. J'ai imaginé des milliers de fois mes retrouvailles avec Amoa. Mais j'ai aussi imaginé celle avec Lassée. Je ne lui ferai pas de cadeau, dit sèchement Xenia. C'est par la diplomatie, l'écoute et le compromis que nous avancerons à Enrefe, pas par des chamailleries et des vieilles rancœurs, la corrigea Zélé. Bien sûr, et je saurai être diplomatiquement intraitable, répondit Xenia. Zélé réfléchissait et essayait de comprendre quels étaient les griefs que Xenia pouvait avoir contre la Rissée. Après tout, elle achevait le carnet en parlant à la Rissée et lui disait combien elle avait eu raison de se détourner de la traversée de l'océan et de rebrousser chemin. Tu lui en veux de ne pas vous avoir suivi ? Demanda Zélé. Non, c'est son comportement, le dédain sur son visage quand elle voyait que nous prêtions attention aux révélations de Petit Frère Chagrin, que nous étions capables de remettre en cause Dieu et notre conception du monde. Nous, ses amis, ses sœurs, elle nous a reniés sur cette plage. Elle n'a pas cherché à écouter, à comprendre. Elle refusait d'entendre. Et tu me dis qu'après toutes ces années, elle est la même? Je n'en suis pas étonnée. Elle préfère rester dans son ignorance, et ça, je ne le supporte pas. » dit Xenia. Parfait. Maintenant que tu postules comme représentante du continent Enrefe, je ne suis pas tenue de te donner le poste. Si tu le veux, tu dois me dire pourquoi tu t'es emportée comme tu l'as fait hier, et ce que tu espérais que cela provoquerait. » dit Zélé. Xenia en eut presque le souffle couplé. Elle afficha un air vaincu. C'est de bonne guerre. Un silence s'installa, Xenia réfléchit avant de reprendre. Je te préviens, ce sera long. Nous avons tout notre temps, Xenia. L'annulation de mes fiançailles avec Ormaï n'est pas une annonce qu'il me tarde de proclamer, dit Zélé. Je suis fatiguée, répondit Xenia. Je ne te laisse pas le choix, fit remarquer Zélé. Tu es entré dans ma chambre d'hôtel en me disant que tu n'avais pas de temps à perdre avec pareilles histoires, fit remarquer Xenia. C'était vrai et c'était faux. Je tapatais, répondit Zélé. La partie de mes origines, je n'en ai cure. Ce qui m'intéresse, ce sont tes motivations. Très bien, très bien. À tes ordres, ta majesté. La prononciation provocatrice du titre royal de la veille avait fait place autour de la taquinerie bon enfant. Mais pas ici. Continue dans un bar où je pourrais désactiver ma ceinture. C'est un gadget génial, mais ça change la perception de mon teint et je déteste ça. Dit Xenia. Zélé se méfiait. Xenia s'était montrée docile depuis qu'elle avait séché ses larmes. Et elles avaient échangé comme de bonnes amies. Ce n'était pas pour autant que l'héritière baissait sa garde et ne s'attendait pas à une ruse. Zélé espérait au moins que sa sincérité était évidente, mais aussi qu'elle était assez fine d'esprit pour ne pas aisément se faire berner. Trouver un bar convenant à la sensibilité de leur organisme fut chose facile, puisque depuis l'annonce de l'origine nichéenne de l'espèce nichéenne, de nombreux établissements avaient converti une partie de leur surface en climat nichéen, appellation qui ne voulait pas dire grand-chose puisque les climats de Nikéa s'étaient très variés. Mais cela faisait son effet sur le consommateur, et le seul climat nichéen recréé, proposé, était celui de la région d'Ormaïn. Tout d'abord, j'ai une fâcheuse tendance à être impulsive et à laisser mes émotions s'exprimer, alors que j'avais prévu de me comporter totalement différemment. Ce n'est pas l'idéal pour un entretien d'embauche, j'en ai conscience. Je n'explique pas toujours mon impulsivité, et je peux t'assurer que j'avais imaginé notre rencontre tout autre. J'ai passé ma phase de sommeil à réfléchir à ce qui avait motivé mon comportement. Voilà ma conclusion. Zélé, pour me comprendre, tu dois comprendre la culture dont je suis issue. Le travail, j'imagine, te sera aisé puisque tu as rencontré les miens et qu'avec le Rézarque et ta posture, tu es imprégné de cultures diverses. » expliqua Xenia. En réalité, malgré tout le temps passé parmi les tiens, nous n'en savons que très peu car ils n'ont jamais été très enclins à partager leur rite, à nous laisser y assister. Nous sommes allés dans les villages, mais la route du pèlerinage nous est interdite, et bien d'autres lieux encore. » répondit Zélé. Déjà, tu sais que je viens d'un peuple vénérant un dieu. Mais tu ne sais pas combien les préceptes de Dieu sont cruciaux et régissent nos vies. Nous avons certes des libertés, nous vivons et logeons où nous le souhaitons. Nous lions les amitiés selon nos envies, nous allons et venons sur les terres de Dieu au gré de nos envies. Rien de plus banal, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu régit notre quotidien. Si les vendanges et autres travaux de la communauté sont exécutés par tous, cela nous occupe le temps d'une saison. Durant les trois autres, Nous nous livrons aux arts pour lui plaire. Et tu ne choisis pas l'art qui te plaît. On te l'assigne. On t'assigne celui pour lequel tu es doué. Je suis née avec les yeux roses. Cela me destinait à la beauté. Comprends-le. Les yeux roses sont une rareté. J'étais la seule depuis des générations. Toute ma contrée mettait ses espoirs en moi. J'étais l'offrande parfaite pour Dieu, lorsque je serai prête. À cette évocation, les mots de la source résonnèrent en Zélie. Beaucoup de ce qu'elle apprenait de la bouche de Xenia lui rappelait son échange dans la forteresse, abritant les Aldorion. Par offrande, tu veux dire, s'inquiéta Zélie. Quoi? Mais non, ne sois pas stupide, nous ne sacrifions personne. C'est d'ailleurs l'inverse. J'aurais pu avoir des yeux rares et grandir en étant commune, mais non, mon physique atteignait les canons de beauté sans effort. Ma famille n'attendait que cela, que j'atteigne l'âge de participer au jeu. Ils me voyaient déjà gagner et leur faire honneur. De mes parents, j'ai hérité le chant lyrique. Ils ont remporté la 6e place, alors ils ne pouvaient avoir qu'un enfant. Et comme j'y étais douée, j'ai dû continuer. Mon souhait se portait plus sur un travail manuel, sauf que mes talents n'ont convaincu personne. Petite fille, je ne prêtais pas attention au délire de mes parents sur ma destinée. Mais en grandissant, j'ai bien remarqué que même les autres enfants me regardaient bouche bée. Et adolescente, ma passion était d'hypnotiser de mon regard et de mes gestes gracieux tous ceux que je croisais. Si je chuchotais, on faisait silence pour entendre ma voix. C'est là que j'ai compris que mes parents avaient toujours eu raison. Tout le monde me vénérait, oui. J'étais attendue de Dieu pour lui offrir ma beauté et ma grâce. Que dire et qu'éluder? Je ne vais pas te raconter toute ma vie. Sache que quand je partais, avec Amoa et Lassé, je concourais, avant tout pour ma beauté, en couple avec Donilson, lui aussi sublime. Et nous aurions fondé une famille de 10 enfants en reportant le premier prix. Je ne l'aimais pas, mais je ne me posais pas la question. Si nous étions les meilleurs dans cette catégorie, alors nous devions procréer pour plaire à Dieu et lui offrir des êtres encore meilleurs que nous. Je vivais insouciamment en colocation avec Amoa et Lassé. Mais depuis quelques années, je pensais à mes filles qui auraient mes yeux et qui seraient encore plus belles que moi, qui à leur tour seraient mères. J'avais hâte et j'étais fière. Depuis, je ris de mon idiotie. Fière de quoi? De quelque chose dont je n'étais pas responsable? Fière de quelque gêne? Mais c'est la culture d'où je viens, expliqua Xenia. Tu le dis toi-même, tu en ris aujourd'hui, alors ça n'explique pas ton comportement d'hier. Et si tu étais si impatient de fonder une famille, pourquoi ne pas avoir assisté au jeu au lieu de suivre petit frère chagrin? Demanda Zélie. On n'efface pas le conditionnement d'une enfance et d'une adolescence, on le recouvre comme une nappe, cachant les écorchures dans le bois. Tout reste, on apprend juste que tout est faux et qu'il ne faut plus regarder de ce côté. Aussi dur cela soit-il. Je pense que ma fierté et mon assurance étaient telles que je n'attendais pas la validation de Dieu. J'étais consciente de mon unicité. Aller au jeu était une étape, pas un but. Au contraire, Dieu m'attendait. Il attendait que le miracle que j'incarnais se présente à lui, confia Xenia. Je vois, souffla Zélie. Amoa participait au jeu parce que notre groupe de chants lyriques avait été sélectionné. Avoir des enfants n'était pas une priorité pour elle, alors qu'importait l'issue de la compétition. Lassé, c'était l'inverse. Elle voulait une famille. Les jeux étaient la base de la concrétisation de ses rêves. Pour moi, renoncer aux jeux sur la plage, il n'eut en moi comme un défi. Je me suis sentie supérieure. C'est à ce moment que j'ai pensé que c'était Dieu qui m'attendait, et non pas moi qui attendais de me présenter à lui. Alors de cet orgueil, j'ai même apprécié l'idée de le faire languir davantage, comme les mâles dont je me jouais. Ensuite, tout ce qui nous est arrivé, les élevages, le voyage de plusieurs années, jamais aucun des nôtres n'avait connu pareil destin. Je me disais que tout cela arrivait Parce que c'était moi. Parce que j'étais née pour un destin hors du commun, c'était logique. Finalement, quand tout a mal tourné, le retour à la réalité était brutal et incompréhensible. Le malheur pouvait m'atteindre, ça n'avait aucun sens. J'étais capturée par les mercenaires, alors que j'avais dissimulé Carrois sous un buisson et... Le cauchemar au continent Ayo n'a pas duré longtemps. Quelques jours tout au plus, mais je n'ai jamais connu ça de ma vie. Jamais je n'ai connu une telle peur. Je ne m'étais jamais réellement sentie en danger, même dans l'élevage de Carsium. Là, j'avais vu de mes yeux mes amis se faire tuer. Impuissante, j'ai assisté à leur assassinat et à l'embarquement d'Amoa et d'Isocreg. Alors qu'en prisonnière, le commandant des mercenaires m'a parlé de faire de moi sa reine, de m'offrir une vie à la hauteur de ma beauté, j'ai retrouvé cette idée de destin extraordinaire. Que d'où les autres étaient morts, mais pas moi. Évidemment pas moi, j'étais unique. Tous n'avaient été que des guides pour me conduire ici, où je serais reine. Et ça a duré plusieurs mois. Je n'étais pas très regardante sur les détails, parce que sinon, ma vie de château se serait vite ternie. Quand le vernis s'était caillé de mon côté, je ne pouvais plus me voiler la face. Je me suis enfuie. J'ai retrouvé Jody qui m'a conseillé de trouver refuge dans les galeries. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai abusé de la naïveté d'Ormaïn, je ne le cache pas. Toutefois, je l'ai fait uniquement pour garantir ma sécurité. Quoi qu'il en soit, j'ai dû, à coups de burin, me rentrer dans le crâne qu'aucun destin fabuleux n'était tissé d'avance pour moi. Que cette réalité était la même pour tous. La chute a été si rude quand j'ai quitté Nikéas et que j'ai découvert l'univers, je suis devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal. Je sais que Viviane suivait les actualités du Pléas, mais pas moi. Je ne voulais rien savoir, sauf en cas de nouvelles qui nous concerneraient directement. Et ça n'a pas manqué. Des années après, Nikéas s'était libéré. C'est tombé soudainement, tout le monde au sanctuaire a cessé son activité, et nous avons regardé la retransmission du discours. Je n'ai pas réfléchi une seule seconde. La nouvelle était si incroyable. Je n'étais préparée à rien, et l'évidence m'a crevé les yeux. C'était toi, ma fille, zélée, qui discourait, parée comme une reine, parce que tu en étais une. Tu avais tout ce que, des années avant, j'avais voulu. Et comme pour m'achever, derrière toi, j'ai aperçu Zeninouma et Ormaïn. Toute cette réjouissance sur vos visages extatiques, tout ce bonheur immérité, dégoulinant et écœurant, tant d'injustice. Toi, ma fille aux yeux bleus, tu me volais ma gloire et mes honneurs. C'en était trop. Et non, en une fraction de seconde, tu peux me croire. La nappe a glissé et les écorchures sont réapparues. Le vitrail teintait de ses formes géométriques leur visage. Zélé avait terminé son histoire, sur un ton nonchalant. Zélé réfléchissait. Le regard vague porté sur l'extérieur, les silhouettes des passants étaient déformées au gré des motifs des pièces de verre. L'héritière ne doutait pas de la sincérité de l'aveu de Xenia. Elle aurait à l'occasion des points à lui faire développer. Mais elle ne tenait pas à pousser plus en avant son introspection pour le moment. Elle sirota en silence son cocktail de fruits. Elle tenait la candidate idéale pour représenter le continent Enrefe. Écartant son verre vide, elle regarda Xenia et lui demanda. « Une dernière chose. Veux-tu le rencontrer ?»« Qui donc ?» s'étonna Xenia. « Dieu ?» répondit Zélée.